Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Adorateur d'Allah, beaucoup de gens se sont perdus dans cette affaire, à savoir la recherche de sa subsistance. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Mais par Allah, tous ces gens n'ont pas su les véritables manières légiférées religieusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi et voulu pour eux afin de leur permettre d'acquérir leur subsistance. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Donc il faut que le musulman, raisonné et droit, prête fortement attention à ses preuves et ses arguments avant quiconque. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Si vous vous en remettiez réellement à Allah comme il se doit, il subviendrait alors à vos besoins, comme il subvient aux besoins de l'oiseau, quand celui-ci part le matin, le ventre vide, et revient le soir le ventre plein. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Ô enfant d'Adam, dévoue-toi dans mon adoration. Je remplirai alors ta poitrine de richesse et je retiendrai la pauvreté, qu'elle ne te touche. Sermon numéro 12, Asbabul Rizq, les moyens de gagner sa subsistance. Consacre ton temps et ta vie au culte d'Allah et ne laisse pas la dunya, c'est-à-dire la vie éphémère d'ici-bas, t'occuper et te détourner de cela. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe une divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les gens qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Ya ayyuhalladhina الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux. Certes, Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il vous corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Ceci étant dit, ô vous les gens, il a été établi d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le récit d'Anas ibn Malik et de Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhumain, qui ont dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a parmi les gens des personnes qui propagent le bien et qui bloquent le mal, et il y en a d'autres qui propagent le mal et qui bloquent le bien. Alors, bienheureux sera celui qu'Allah aura décrété qu'il soit parmi les gens qui propagent le bien, et malheur à celui qu'Allah aura décrété qu'il soit parmi les gens qui propagent le mal. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en a informé. L'affaire réside donc dans le fait de connaître ses portes ainsi que les chemins qui y mènent et par lesquels on y accède, car celui qui ne fait pas l'effort d'apprendre la religion d'Allah, il ne connaîtra jamais ses portes qui mènent au bien, quand bien même il les aurait aimées et désirées. Il en est ainsi. Celui qui n'étudie pas la religion d'Allah, il se peut qu'il ne trouve pas ses portes qui mènent au bien, et il croit alors que ses portes sont en fait fermées pour lui. C'est pour cette raison que tu vois des gens, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque communauté sa fitna, c'est-à-dire ses troubles et ses épreuves, et celle de ma communauté est l'argent. Donc de nombreuses personnes sont tentées par l'argent et ils y accourent avec vigueur et peine d'une façon qu'Allah n'a pas demandé légiférer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhal insanu innaka kadihan ila rabbika kadhan famulaqih. Ô toi l'être humain, tu accours certainement vers ton Seigneur et tu finiras par le rencontrer. Donc il y en a parmi les gens qui s'épuisent dans le bien et d'autres qui s'épuisent dans son opposé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Donc il y en a parmi les gens qui endurent et subissent dans le bien et qui ont emprunté son sentier et ils sont entrés par ses portes. Et il y en a d'autres qui se sont fatigués dans son contraire. C'est pour cela qu'il est nécessaire que soient exposés ces chemins, c'est-à-dire ceux qui mènent réellement au bien, d'après le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Pour que sur preuve périsse celui qui doit périr, et que sur preuve survive celui qui doit survivre, et Allah est certes audient et omniscient. Ô vous les gens, serviteurs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: par Allah, je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains plutôt que soit étendue pour vous cette dunya, ce bas monde éphémère, comme elle fut étendue pour les communautés qui vous ont précédées. Vous rivaliserez entre vous et vous disputerez dans l'acquisition de ces biens, comme ils se sont rivalisés et disputés, et vous vous détruirez comme ils se sont détruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certainement montré ceci. Il a en effet dit: parmi les choses que je crains pour ma communauté après ma mort, il y a les artifices de sa vie d'ici-bas et ses faux semblants. Et il a aussi dit, comme cela a été rapporté dans les Sunan, recueil de récits, d'après le récit de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu ne trouveras pas de loup qui meurt de faim, jeté dans un troupeau de moutons, plus déterminé qu'un homme assoiffé d'argent et qu'une personne pieuse avide de science et de foi. Ainsi, la question concernant les moyens de gagner sa subsistance a perverti et égaré de nombreuses communautés. Et les efforts que les gens fournissent afin d'acquérir leur subsistance a anéanti beaucoup de communautés. En effet, il arrive que soit tué des tribus tout entières pour cela. Certains volent, et d'autres arnaquent, et d'autres escroquent, et il y en a aussi qui mentent, et mitonnent, et finissent par se perdre. Tout ceci pour cette unique et même raison, c'est-à-dire gagner sa subsistance. Mais par Allah, tous ces gens n'ont pas su de véritable manière légiférer religieusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi et voulu pour eux afin de leur permettre d'acquérir leur subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, indiquant un des moyens de gagner ses vivres parmi ceux qui ont été régis religieusement et que beaucoup de personnes parmi les gens se sont égarés et perdus pour l'avoir délaissé. Allah tabarakasmuhu a dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit, Allah atteint ce qu'il se propose de faire et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Allah Azza wa Jalla a ainsi énoncé dans ce verset que celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et l'expression issue favorable est ici générale, c'est-à-dire une issue à l'ensemble de tous les problèmes que l'homme pourrait rencontrer dans sa vie. Il a en effet dit wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, et il lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Donc la crainte d'Allah est une issue de secours à tous les problèmes au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint, réprimandant les gens du livre, les juifs et les chrétiens qui ne l'avaient pas appliqué. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. Si les gens du livre, les juifs et les chrétiens croyaient et craignaient leur Seigneur, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions assurément fait entrer dans les jardins des délices. Et s'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile ainsi que ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement mangé et joui de ce qui était au-dessus d'eux et sous leurs pieds. Il y en a certains parmi eux qui sont droits, mais beaucoup d'entre eux comme est mauvais ce qu'ils font. Allah Azza wa Jalla nous a ainsi exposé que si les gens de cette communauté avaient cru et craint leur Seigneur, il leur aurait alors accordé leur subsistance largement par-dessus eux et aussi sous leurs pieds. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les gens des villes avaient cru et craint leur Seigneur, nous leur aurions certainement accordé et béni leurs bienfaits venant du ciel et de la terre. Mais ceux-ci ont mécru, nous les avons alors châtiés pour ce qu'ils avaient acquis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc informé que si les gens le craignent et croient en lui, il leur ouvrira alors des portes bénies du ciel ainsi que sur la terre. Et la bénédiction d'Allah a pour sens le maintien du bien provenant de lui dans une chose. Et il n'y a aucun doute que si ces bénédictions atteignaient un peuple, alors son bien les toucherait tous. Et les gens vivront ainsi dans le bonheur, que cela concerne les livres et autres. C'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala étale ses arguments et ses preuves à ses serviteurs, leur exposant ainsi que le seul fait de l'adorer est un moyen qui leur permet d'augmenter leur subsistance. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Et je n'ai créé les djinns, des créatures invisibles, douées de raison, et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne recherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent, car c'est Allah qui pourvoit aux besoins de ces créatures, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ainsi, après qu'Allah ait ordonné aux gens de l'adorer, il leur a exposé qu'il était le pourvoyeur aux besoins, le très fort, celui qui accorde les vivres à toutes ses créatures. Donc il faut que le musulman raisonné et droit prête fortement attention à ses preuves et ses arguments avant quiconque. Il a été établi dans ce sens chez Ahmed et d'autres, d'après le récit de Ma'qil ibn Yasar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô enfant d'Adam, dévoue-toi dans mon adoration, je remplirai alors ta poitrine de richesse et je retiendrai la pauvreté qu'elle ne te touche, mais si tu ne le fais pas, je remplirai alors ta poitrine d'occupation et je ne retiendrai pas la pauvreté qu'elle ne t'atteigne. Et ce récit est Qudsi, c'est-à-dire que sa parole provient d'Allah Azza wa Jalla. Et il a aussi été établi dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, du même genre que le précédent, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, d'après son Seigneur, ô enfant d'Adam, sacrifie ta vie dans mon adoration, je remplirai alors ta poitrine de richesse et je retiendrai la pauvreté qu'elle ne touche, et prends garde de t'éloigner de moi ainsi que de mon adoration, je remplirai alors tes mains d'occupation et remplirai ton cœur de pauvreté et je ne retiendrai pas la misère qu'elle ne t'atteigne. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé, d'après la parole d'Allah azza wa jalla, qu'Allah retient la pauvreté qu'elle ne touche celui qui se sera consacré pleinement à son adoration. Et cela ne veut pas dire que tu dois te détourner de toute activité ou travail, car le fait de faire les causes a été légiféré dans la religion. Et Allah Azza wa Jalla a certes commandé serviteurs dans ce sens. Il a dit Azza wa Jalla, huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. C'est Allah qui a soumis la terre, qui l'a rendue facile pour vos déplacements. Parcourez donc ses étendues et mangez de ce qu'il vous a fourni comme subsistance, et c'est vers lui que vous serez ressuscités. Et il a dit Azza wa Jalla, فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Nous révélâmes alors à Moussa, frappe la mer avec ton bâton. Elle se fendit alors et chacun de ses versants fut à une énorme montagne. Et il a aussi dit Azza wa Jalla, وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Secoue vers toi le palmier, ô Mariam, cela fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Donc le sens voulu dans le précédent récit est, consacre ton temps et ta vie au culte d'Allah et ne laisse pas la dunya, c'est-à-dire la vie éphémère d'ici-bas, t'occuper et te détourner de cela, de sorte que tu t'éloignes de l'adoration d'Allah et que ton esprit soit occupé pendant des prières par des affaires mondaines ou que tu ne les accomplisses pas comme il se doit. Et aussi que cela ne te détourne de la recherche de la science islamique ainsi que de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te commande d'accomplir dans ta religion. Allah azza wa jalla a en effet dit, ya ayyuha alladhina amanu la tuhlikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Oh vous qui croyez que vos biens et vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ainsi montré que celui qui a été privé de son rappel par son argent ou par ses enfants était un perdant. Et peu importe ce que celui-ci serait parvenu à acquérir comme richesse et bien mondain, il sera bel et bien considéré comme étant un perdant dans cette vie. Voilà le sens du récit Qudsi grandiose précédemment évoqué sur le fait de vouer son temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, parmi les plus dignes moyens de gagner sa subsistance, il y a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a incité à faire dans son livre à travers sa parole, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Parcourez donc ses étendues et mangez de ce qu'il vous fournit comme subsistance, et c'est vers lui que vous serez ressuscité. Et aussi à travers sa parole, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure finale, c'est-à-dire le paradis, et n'oublie pas ta part dans la vie de ce bas monde, et sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant envers toi, et ne recherche pas à semer la corruption sur la terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Ainsi, parmi ce qui permet d'acquérir sa subsistance, il y a le tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah et de ne compter que sur lui. Car cela est un des moyens les plus nobles permettant d'élargir ses vivres dans sa vie d'ici-bas. Al-Tirmidhi a rapporté dans son Jami', recueil de récits, d'après le récit de Umar radiallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous vous en remettiez réellement à Allah comme il se doit, il subviendrait alors à vos besoins, comme il subvient aux besoins de l'oiseau, quand celui-ci part le matin, le ventre vide, et revient le soir le ventre plein. Et l'état des gens aujourd'hui est qu'ils se remettent plutôt à leur déplacement précisément, non pas à Allah. Ils prétendent ainsi que ce qu'ils ont acquis comme bien et subsistance n'est dû qu'à leur activité, leur intelligence ou à leur ingéniosité. Et ceci est une erreur dans la croyance, car toutes ces choses sont en réalité des causes parmi les nombreuses causes permettant de pourvoir à ses besoins. Car Allah subhanahu wa ta'ala a permis et autorisé. Donc les subsistances ne proviennent que d'Allah, et le fait de ne compter que sur lui est un des plus importants moyens de les acquérir. Et lorsqu'Allah avait su la sincérité de Mariam, cette femme pieuse, dans le fait de s'en remettre à lui exclusivement, il subvenut à ses besoins alors qu'elle subissait les douleurs de l'enfantement, et il fit couler près d'elle un ruisseau. Allah Azza wa Jalla a dit فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزِنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا. On interpella alors Mariam en lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, et secouvre-toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Et si tu rencontres quelqu'un, dis-lui alors, j'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner, je ne parlerai donc à personne aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Chaque fois que Zacharie entrait auprès de Mariam dans le temple, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit ainsi, ô Mariam, d'où te vient cette nourriture? Elle répondit, elle me provient d'Allah, il accorde ses subsistances à qui il veut sans compter. Une femme en période d'accouchement et de grande fatigue, incapable et faible, sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber des dattes fraîches provenant de ce palmier en ayant simplement fait l'effort de le secouer un peu avec sa main. Et de la même façon, Zacharie, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dis, ô Seigneur, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité de qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes tes subsistances à qui tu veux sans compter. Allah tabarak asmuhu a dit, walaw basata Allah ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunzilu biqadri ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirun basir. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tout le monde, ils auraient certainement été tyranniques sur la terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, et il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Et il a aussi dit, Azza wa Jalla, man kana yuridu al-ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha'u, lima nuridu, thumma ja'alna lahu jahannama, yaslaha madhmuman madhura. Quiconque désire profiter de la vie présente et immédiate, nous hâterons de lui donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignerons l'enfer comme demeure finale, où il brûlera méprisé et repoussé. Donc l'affaire est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Il a dit subhanahu wa ta'ala, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Puis nous lui assignerons l'enfer comme demeure finale, où il y brûlera méprisé et repoussé. Cela ne concerne que celui qui n'aura recherché que les jouissances de la vie de ce bas monde et rien d'autre. Adorateur d'Allah, Beaucoup de gens se sont perdus dans cette affaire, à savoir la recherche de sa subsistance. Et ce point est très important. Et le prophète nous l'a exposé dans les débuts du salat da'wah, son appel à Allah. Ainsi, dans le récit d'Abu Sufyan, radiallahu anhu, lorsqu'Héraclius l'interrogea au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui dit: que vous ordonne-t-il de faire? Abu Sufyan répondit: il dit à adorer Allah et ne lui donnez pas d'associé dans son adoration, et délaissez ce que disent vos pères comme fables et fictions en matière de croyance. Et il nous commande d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, l'aumône obligatoire. Et il nous commande aussi d'être véridique dans nos paroles, ainsi que la continence et la préservation des liens de parenté. Ainsi, la continence, c'est-à-dire le fait de se retenir face à l'argent haram, interdit, est une chose demandée. Et l'argent et les biens prohibés et défendus d'acquérir ont été la cause de l'anéantissement de nombreuses communautés, comme par exemple le peuple de Issa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Iqal al-hawariyoun, ya Issa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzil alayna ma'idatan min as-sama'i? قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Et rappelle-toi lorsque les apôtres dirent à Issa: ô Issa ibn Maryam, est-il possible que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit: craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Ils dirent: nous voulons en manger et rassurer nos cœurs par l'invocation, et aussi avoir la conviction que tu nous as dit la vérité, et également avant d'en être parmi les témoins. Ils se sont donc obstinés face à Allah Azza wa Jalla. Ils ont douté de ses capacités et ils sont ainsi devenus mécréants. Et Isa alayhi salam les a alors conseillés et a averti au sujet de leurs très mauvaises paroles: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Est-il possible que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit alors: craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Les bédouins qui sont restés à l'arrière et qui ne vous ont pas accompagnés pour aller combattre l'ennemi te diront: ô Muhammad, nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc Allah en notre faveur afin que nous soyons pardonnés. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis-leur plutôt: qui donc peut faire quelque chose pour vous auprès d'Allah s'il décrète qu'un mal ou un bien doit vous atteindre? Mais Allah est cependant parfaitement connaissant ce que vous œuvrez. Les hypocrites se sont perdus, et ceux-ci ne se sont perdus qu'à cause de leur occupation concernant la recherche de leur subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne causez pas votre propre perte, et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. Abu Ayyub radiallahu anhu a dit que ce verset a été révélé au sujet d'un groupe de gens qui a dit, après que les contrées étaient ouvertes au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allah a certes accordé la victoire à son prophète, nous allons maintenant nous occuper de faire travailler et fructifier nos biens et notre argent. Ils se sont ainsi occupés à cela, délaissant les expéditions dans le sentier d'Allah avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala révéla ainsi ce verset: wa anfiqu fi sabilillahi ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Et dépensez dans les sentiers d'Allah et ne causez pas votre propre perte par vos propres mains, et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. Donc leur perte n'était due qu'à leur détournement du rappel d'Allah et des razawettes, les expéditions dans le sentier d'Allah en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à cause de leur disposition à la vie d'ici-bas, comme cela a été précédemment évoqué dans le récit de Umar radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous vous en remettiez réellement à Allah comme il se doit, il subviendrait alors à vos besoins comme il subvient aux besoins de l'oiseau quand celui-ci part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Également, parmi les nobles moyens qui permettent de recevoir sa subsistance, il y a le fait de dépenser de son argent ainsi que de ses biens dans l'agrément d'Allah, quand bien même il s'agirait d'un don minime. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: Am tas'aluhum kharja, fa kharaju rabbika khayrun, wa huwa khayrun raziqin. Leur demandes-tu un salaire, mais la rétribution de ton Seigneur est bien meilleure, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs aux besoins. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ô toi l'être humain, dépense dans les sentiers d'Allah, on dépensera pour toi. Allah nous a ainsi orientés vers le fait de dépenser de nos biens dans son agrément, et que cela sera la cause que l'on subviendra à nos besoins. Et de la même façon, il a été établi dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour qui se passe pour les êtres humains sans que deux anges descendent sur chacun d'eux. L'un des deux dit alors: ô Seigneur, s'il dépensera de ses biens en aumône, augmente-lui sa subsistance. Et l'autre dit: ô Seigneur, s'il se retient de dépenser de ses biens en aumône, réduis-lui sa subsistance. Et dans le recueil de récits authentiques de musulmans, dans le recueil d'Abu Umam radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô enfant d'Adam, le fait que tu dépenses tes biens dans le sentier d'Allah est un bien pour toi, et le fait que tu te retiennes de dépenser de tes biens est un mal pour toi, et tu ne seras point blâmé si tu gardais de tes biens de quoi pourvoir à tes besoins. Et si tu donnes, commence par ta famille et ton entourage, et la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Notre preuve dans ce récit est que le fait que tu dépenses ton argent pour Allah est un bien pour toi dans cette vie et dans celle de l'au-delà. Serviteur d'Allah, il a été établi dans le Musnad de l'imam Ahmed, ce recueil de récit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal: ô Bilal, dépense ton argent dans le sentier d'Allah et ne crains pas de celui qui possède le trône, c'est-à-dire Allah azza wa jal, qu'il réduise ta subsistance. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Asma radiallahu anha: dépense tes biens dans le sentier d'Allah et ne recense pas ce que tu donnes, sinon Allah recensera pour toi des aumônes. Et ne te retiens pas de dépenser tes biens dans son sentier, sinon Allah se retiendra de pouvoir à tes besoins avec largesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ainsi commandé Asma de dépenser de ses biens sans compter, et lui avait défendu de recenser ce qu'elle aura donné, et aussi de ne pas dire: certes, j'ai donné telle somme d'argent pour ceci ou cela. Sinon, Allah lui aurait minutieusement fait ses comptes de ce qu'elle avait dépensé pour ne rien lui ajouter. Et il a été également établi dans le récit d'Abu Kalsha radiallahu anhu, qui a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: trois choses par lesquelles je jure et dont je vais vous raconter le récit, alors mémorisez-les: les dons d'aumône ne diminuent pas les biens, et personne ne patiente après avoir subi une injustice sans qu'Allah l'honore et l'élève en degré, et personne ne commence à prendre l'habitude de demander aux gens de leur argent et de leurs biens sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. Et d'autres récits témoignent de son authenticité, comme par exemple celui d'Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône n'a jamais diminué les biens de celui qui la donne dans le sentier d'Allah, et Allah n'ajoute à celui qui pardonne à autrui que des honneurs et de la dignité, et personne ne s'humilie pour Allah sans qu'Allah l'élève en degré. Tous ces sentiers mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à sa satisfaction, et ils permettent à l'homme de mener une vie heureuse dans l'agrément de son Seigneur. Aussi, certaines personnes ont été inattentives, ou plutôt, la majorité des gens ont été inattentifs au sujet d'un grand moyen qui permet de gagner sa subsistance, et il s'agit de la préservation et de l'entretien des liens de parenté, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, dans le récit de Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que celui qui désire que sa subsistance soit élargie et que son âge augmente, qu'il entretienne donc ses liens de parenté, C'est ainsi qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah en avait fini avec la création de l'univers, le lien de parenté attrapa Allah par sa hanche. Et lui dit, le moment est venu que l'on demande refuge auprès de toi, contre la rupture du lien de parenté. Allah lui dit alors, n'agrerais-tu pas que je préserve celui qui t'aura préservé et que j'anéantisse celui qui t'aura coupé? Et ce récit est général. Ainsi, il y a là la preuve que quiconque aura préservé et entretenu ses liens de parenté, il lui sera étendu ses subsistances et augmenté sa durée de vie. Et d'après le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sachez et apprenez vos liens de parenté, car l'entretien des liens de parenté engendre l'amour dans la famille et resserre les liens entre les membres de la famille. Il fait également augmenter les vivres ainsi que la durée de vie. Voilà ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au doigt le musulman, tu as ainsi fait preuve d'une attention face à une grande cause, permise à l'agrément d'Allah, qui te permet de gagner ta subsistance. Et tu es plutôt allé la chercher par le biais du riba, l'intérêt usuraire, ou bien encore à l'aide du réchois, la corruption et les pots de vin, ou d'autres moyens parmi ceux qu'Allah a interdits. Adorateur d'Allah, ceci est un grand moyen parmi ceux qui permettent de subvenir à ses besoins. Et il a été établi dans le récit de Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes celui à qui il a été donné une part de douceur, c'est-à-dire dans ses traits de caractère, il lui a assurément été donné une part du bien de ce bas monde ainsi que de celui de l'au-delà. Et l'entretien de parenté et le bon comportement font augmenter les subsistances et font ajouter de l'âge. Donc, quelle belle tradition que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les personnes aux âmes pures, celles qui ne se souillent pas parce qu'Allah leur a interdit. Ces sentiers sont grandioses pour celui qui aura persévéré dans leur suivi, c'est-à-dire à travers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'Allah permet et incite à sa recherche comme subsistance. Et dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et Muslim, dans le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, trois personnes parmi les enfants d'Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle, qu'Allah avait voulu éprouver. Il leur envoya un ange qui dit au lépreux, que désires-tu le plus? Le lépreux répondit, une jolie couleur et une belle peau, car j'ai trop été méprisé par les gens à cause de cela. L'ange passa ainsi sa main sur lui, et il fut donné à cet homme une jolie couleur et une belle peau. L'ange lui dit ensuite, quel bien aimes-tu le plus? L'homme répondit, le chameau. Il fut ainsi donné à cet homme une chamelle qui allait mettre bas, et il lui fut dit, elle te sera bénie. L'homme dit ensuite au chauve, que désires-tu le plus? Le chauve répondit, de beaux cheveux, car j'ai trop été méprisé par les gens à cause de cela. L'ange passa ainsi sa main sur lui, et il fut donné à cet homme de beaux cheveux. L'ange lui dit ensuite, quel bien aimes-tu le plus? L'homme répondit, la vache. Il fut ainsi donné à cet homme une vache qui allait mettre bas, et il lui fut dit, elle te sera bénie. L'ange dit ensuite à l'aveugle, que désires-tu le plus? L'aveugle lui répondit, qu'il me soit rendu la vue afin que je voie les gens. L'ange passa ainsi sa main sur lui, et il fut rendu à cet homme la vue. L'ange lui dit ensuite, quel bien aimes-tu le plus? L'homme répondit, le mouton. Il fut ainsi donné à cet homme une brebis qui allait mettre bas, et il lui fut dit, elle te sera bénie. Ainsi, chacune d'entre ces trois personnes possédait après un certain temps un énorme troupeau du genre de leurs bêtes respectives, l'un de chameau, l'autre de vache et le troisième de mouton. Puis l'ange revint à eux après une longue période sous la même apparence avec laquelle était venu à eux la première fois. Et il dit ainsi à l'ancien lépreux, je suis un pauvre voyageur sans provision et je ne trouverai d'aide aujourd'hui que de la part d'Allah puis de la tienne. Je te demande, au nom de celui qui t'a accordé cette jolie couleur et cette belle peau, ainsi que tout ce bétail, de me donner une de tes bêtes pour poursuivre ma route. L'homme lui répliqua, désolé, mais j'ai trop de charges et de devoirs. L'ange lui dit alors, j'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas un lépreux avant et les gens te méprisaient à cause de cela, puis Allah t'a accordé ses bienfaits? L'homme dit, j'ai hérité de ces biens de mes pères. L'ange lui dit alors, si ce que tu dis est un mensonge, alors Allah te rendra certainement ton ancien état. L'ange alla voir ensuite l'ancien chauve, sous la même apparence avec laquelle il était venu à lui la première fois, et il lui dit la même chose qu'il a dit à l'ancien lépreux. Ce dernier lui répliqua de la même manière. L'ange lui dit alors, si ce que tu dis est un mensonge, alors Allah te rendra certainement dans ton ancien état. Puis l'ange, à la voir l'ancien aveugle, sous la même apparence avec laquelle il était venu à lui la première fois, il lui dit alors: je suis un pauvre voyageur, sans provision, et je ne trouverai d'aide aujourd'hui que de la part d'Allah, puis de la tienne. Je te demande, au nom de celui qui t'a rendu la vue, de me donner une de tes bêtes pour poursuivre ma route. L'homme lui dit alors: j'étais avant aveugle, puis Allah m'a rendu la vue, et j'étais pauvre, et Allah m'a ensuite enrichi. Prends donc ce que tu veux. Par Allah, je ne t'empêcherai pas aujourd'hui de prendre ce qu'il te plaira dans le sentier d'Allah. L'ange lui dit alors: garde tes biens, car vous venez, toi et les deux autres, d'être mis à l'épreuve, et Allah t'a certes agréé. Mais quant aux deux autres, il est en colère contre eux. Notre preuve dans ce récit est que celui qui a gagné la satisfaction d'Allah, Allah Azzawajal ne lui fait pas perdre ses biens et son travail, de même qu'il ne l'abandonne pas et qu'il ne l'humilie pas ni ne le méprise, et qu'au contraire il étend celui ses bienfaits, car l'obéissance d'Allah est parmi les choses qui font abonder les bienfaits. Allah tabaraka smuhu a dit: wa idda'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant envers moi, j'augmenterai très certainement mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, alors sachez que mon châtiment sera terrible. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, قابل التوب وغافل الذنب شديد العقاب للتول. الحمد لله مالك يوم الدين، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أرزاقا وضرب لهم آجلا وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نحمد الله جل جلاله على ذلك كله. أما بعد، louange à Allah, Seigneur de l'univers, celui qui accepte le repentir et qui pardonne les péchés, celui dont la punition est terrible, celui dont les bienfaits atteignent largement ses créatures. Louange à Allah, le roi du jour du jugement dernier, celui qui a créé toutes les créatures en parfaite connaissance, puis qui leur a assigné à tous des subsistances et un terme de vie, puis qui leur a ordonné de lui obéir et qui leur a interdit de lui désobéir. Nous le louons donc pour toutes ces choses, l'immense dans sa majesté. Ceci étant dit, serviteur d'Allah, beaucoup de preuves ont été établies au sujet de cette affaire, c'est-à-dire concernant les moyens de gagner sa subsistance. Et parmi les plus importants d'entre eux, il y a la continence, le fait de se retenir de demander aux gens et de se contenter du strict nécessaire pour vivre, comme cela a été évoqué précédemment. Et aussi, d'après le récit de Abu Dharr, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: que ferais-tu si tu devenais pauvre? Abu Dharr répondit: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: contente-toi de ce que tu auras besoin pour vivre et abstiens-toi de demander aux gens. Car l'abstinence est une des causes de l'élargissement des dons d'Allah sur son serviteur. Et c'est lors de la retenue qu'Allah accorde ses bienfaits à ses serviteurs. Et il s'est propagé chez beaucoup de gens que le talab al-ilm shar'i, le fait de faire des études islamiques et de vouer son temps à cela pour son propre profit ainsi que pour celui des gens, que cela est considéré comme une stupidité et une naïveté et aussi une perte de temps. Et nous avons certainement entendu des gens employer ces termes et ces expressions, et cela est une vilaine compréhension qui contredit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet dans sa sunna authentique, comme par exemple ce qui a été rapporté dans le récit de Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit: il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux frères. L'un d'eux participait souvent aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de profiter de sa science, tandis que l'autre était trop occupé par son travail. Ce dernier vint un jour se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam du manque d'activité de son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: il est possible que ce soit par sa cause qu'Allah t'accorde ta subsistance. Ainsi, cet homme croyait qu'il était dans une bonne situation en ayant un travail et en y consacrant tout son temps, contrairement à son frère qui n'avait pas de travail et qui vouait son temps à la science. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui rétorqua alors: il est possible que ce soit par sa cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa subsistance. Non, quand c'est dû au droit qui dépense son argent pour aider un étudiant en sciences islamiques, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ta subsistance à cause de cette dépense. Par Allah, celui qui recherche la science religieuse et se mobilise pour cette cause et consacre sa vie dans ce bien, eh bien, toutes les créatures de ce bas monde demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses péchés, même le poisson dans la mer. En effet, il a été établi à ce propos d'après le récit d'Abu Umama radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque empruntera un chemin dans le but d'acquérir la science, Allah lui facilitera un chemin qui mène au paradis. Et certes, les anges abaissent leurs ailes en agrément de celui qui demande et recherche la science. Et certes, l'ensemble des créatures qui se trouvent entre les cieux et la terre demandent le pardon pour lui, même le poisson dans la mer. Et les mérites du savant par rapport au commun des hommes sont comparables à ceux de la lune sur le reste des étoiles. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé ni dinar ni dirham. En revanche, ils ont laissé derrière eux la science, dont quiconque aura pris de leur science aura en réalité hérité d'une grande part. Ainsi, quelqu'un comme lui, qui vous savez à l'étude de la religion, est-ce qu'Allah le délaissera? Non, pas Allah. Et il a aussi été établi dans le Sunan de Tirmidhi, d'après le récit de Zir, Ibn Hubayshi radiallahu anhu, qui a dit, je suis allé voir Safwan Ibn Asal al-Muradi pour l'interroger à propos de l'essuyage sur les sandales lors des ablutions. Il me dit, pour quelle raison es-tu venu à moi? Je lui répondis, pour acquérir la science. Et il me dit alors, certes, les anges abaissent leurs ailes pour celui qui recherche la science d'Allah en acceptation de ce qu'il demande. Alors quelqu'un comme lui qui voyage dans le but d'acquérir la science d'Allah, est-ce qu'Allah le délaissera? Bien sûr que non, par Allah. Donc toi l'ignorant des gens de la masse, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve de beaucoup de problèmes et de soucis par la cause des gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa qala alladhina utul ilma wa ilakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Ceux auxquels le savoir a été donné dirent alors, malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais ne la recevront que ceux qui endurent. Ainsi, parmi les plus importants moyens d'acquérir la subsistance, il y a le fait de rechercher la science islamique, comme cela a été précédemment exposé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui croient, ainsi que les gens de science. Allah est parfaitement connaissant de ce que vous faites. Et l'élévation d'Allah envers ses serviteurs est générale, et elle est comme il veut qu'elle soit et telle qu'il l'agrée. Ainsi, il te suffit dans ta vie que tu fasses partie de ceux qu'Allah élève en degré. Désire donc profondément ce bien et convoite-le ardemment, et sois également de ceux qui aiment les pauvres et les nécessiteux, et qui les aident et dépensent pour eux, car cela fait aussi partie des moyens d'élargissement et d'augmentation des subsistances pour eux ainsi que pour toi. Al-Tirmidhi a rapporté dans son Jami' son recueil de récits, le récit d'Abu Darda radiallahu anhu, et celui-ci est authentique, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, montrez-moi vos pauvres, car Allah vous accorde votre subsistance par la cause de vos pauvres. C'est besogneux. Cela même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commandé d'aimer, comme cela a été rapporté dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a commandé d'aimer les pauvres et de répéter l'invocation la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de jugement et de puissance qu'en Allah, car cette invocation est un des trésors du paradis. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait les chemins qui mènent au bien. Et bien mieux que cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Nuh dit dans son peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, afin qu'il vous fasse descendre du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et qu'il vous donne des jardins, et fasse couler pour vous des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Allah a ainsi exposé à travers ces versets que la demande de pardon et la demande de refuge auprès d'Allah, et aussi le fait d'être véridique et sincère dans ses intentions avec Allah, que tout ceci fait partie des moyens qui permettent d'acquérir sa subsistance et d'améliorer son niveau de vie, comme Nuh l'avait prescrit dans son testament à son peuple, que s'ils obéissaient à Allah, tout cela se réalisera pour eux et ils auront ainsi une vie facile et aisée. De même que le prophète Hud, qui commanda à son peuple l'obéissance obéissance à Allah et qui leur informa que la demande de pardon est une des causes de l'acquisition et de l'élargissement de leur subsistance qu'Allah leur accorde, pour lesquels ils se démenaient, se fatiguaient et se détournaient du rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui afin qu'il fasse descendre sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute de la force à votre force. Ne vous détournez pas donc de lui en criminel. Ainsi, les conseils et les exhortations des prophètes se sont multipliés concernant cette affaire importante. Et Moussa, alayhi salam, lorsque son peuple s'était plaint à lui et qu'il leur dit: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. موسى dit à son peuple: demandez secours auprès d'Allah et soyez endurants et patients, car la terre appartient à Allah. Il l'a fait hériter à qui il veut parmi serviteurs, et le refrain est réservé aux gens pieux. Ils dirent alors: nous étions déjà persécutés avant que tu viennes à nous, et aussi après ton arrivée. Il leur dit alors: il se peut que votre Seigneur anéantisse votre ennemi et qu'il vous fasse régner sur la terre pour ensuite voir comment vous agirez. Ainsi, le conseil de Moussa, sallallahu alayhi wa sallam, à son peuble, était qu'il demande le secours d'Allah et qu'il patiente sur l'oppression des polythéistes et qu'ils endurent dans l'obéissance d'Allah, et aussi que la bonne et heureuse fin leur sera alors réservée. Allah azza wa jalla a dit: wa la aqibatu lit taqwa, et l'heureuse fin est réservée aux pieux. Adorateurs d'Allah, tous ces différents moyens qui permettent de gagner sa subsistance, il n'est permis à personne d'en être inattentif, car tous ces moyens ont été légiférés religieusement et mènent à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois donc de les utiliser et d'avancer dans ce sens. Et beaucoup de gens se sont perdus pour sa vie d'ici-bas éphémère, celle-là même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait eu peur pour nous qu'elle nous anéantisse et contre laquelle il avait mis en garde. نسأل الله العافية.